Voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. Une des portes des enfers est-elle sur le point de s'ouvrir? C'est donc pour des problèmes respiratoires, tuberculose essentiellement, qu'Annelise Michel est admise au sanatorium de Mittelberg le 28 février 1970. Les journées lui paraissent bien longues, éloignées de chez elle et de ses proches. L'arrivée du printemps lui fait espérer un retour à la maison, mais les médecins diagnostiquent un problème cardiovasculaire, on ne sait d'ailleurs pas exactement quoi, ce qui amène à reporter à plus tard l'éventuelle sortie. Le 3 juin, soit un peu plus de 3 mois après l'hospitalisation, survient une troisième crise identique aux deux précédentes. Paralysie des membres supérieurs, sensation d'écrasement de l'abdomen, difficulté respiratoire, perte d'urine. Si ce n'est que la jeune fille parvient cette fois à crier à l'aide. Le 16 juin, elle est donc conduite à Kempten pour une consultation auprès du neurologue von Haller. Celui-ci, comme son prédécesseur, le docteur Siegfried Lüthi, ne détecte absolument aucune anomalie neurologique, y compris sur l'électroencéphalographe après stimulation. Quelques jours plus tard, alors qu'elle regarde par la fenêtre de sa chambre en priant la Vierge Marie de lui venir en aide, Annelise voit soudainement un visage horrible et gigantesque briller dans le ciel tout au bout de l'horizon. L'image disparaît aussitôt, mais laisse dans l'esprit de la jeune fille une terreur indescriptible. Elle lui donne le nom de Fratzen, qui pourrait se traduire par « face grimaçante », mais il est clair pour elle qu'il s'agit du diable. Annelise se rend alors compte qu'elle ne peut plus prier et considère l'apparition comme faisant partie d'elle-même, comme ayant dorénavant élu domicile à l'intérieur de son corps et de son esprit. Le 11 août, elle rencontre de nouveau le docteur von Haller, qui lui confirme n'avoir rien trouvé d'anormal, ni dans son examen neurologique, ni dans l'électroencéphalogramme. Mais alors qu'il lui demande si elle a présenté de nouvelles crises, Annelise répond que non. Elle ne se voit pas raconter au neurologue ce qui lui est arrivé, et peut-être pressent-elle déjà que le corps médical ne l'écoutera jamais d'une oreille attentive. Le 29 août 1970, Annelise est autorisée à quitter le sanatorium de Mittelberg pour retourner chez elle. Même si la plupart de ses amis ont maintenant une année d'avance sur elle, la rentrée scolaire devrait lui faire plaisir. Mais quelque chose a définitivement changé dans sa personnalité, et son entourage le mentionnera clairement lors du procès. Maria Burdisch dira qu'elle était devenue plus renfermée et se focalisait sur des conversations à connotation théologique. Karine Goras témoignera qu'elle s'isolait de plus en plus des autres. Ursula Kudzai constatera qu'elle était devenue profondément religieuse. Le séjour de 6 mois au sanatorium de Mittelberg a probablement permis la guérison de la tuberculose dont souffrait Annelise, mais il a aussi malheureusement ouvert une porte, celle des enfers, diront certains, qui ne se refermera qu'avec la mort de la jeune fille. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme » d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.